la rage de vaincre. Alors le soir j'écris des poèmes, une vie de bohème, des textes tournés vers le quartier. Je pense aux gens que j'aime et ma vie défile sur papier. Les profs me disaient tu fais des fautes, ils me c'était ridicule. Aujourd'hui quand j'écris la vie de ma mère que je fous la canicule. Matricule dangereux, soyez plusieurs pour que je recule. Entaillé par la vie, mais motivé par l'envie. Le quotidien d'un défi jusqu'à ce que ma mère soit ravie. 16 ans y'a plus de dialogue avec les profs, ça dérape. 17 ans, je quitte les cours et rêve de devenir star du rap. La rage de vaincre, comme quand t'es seul face à 10 mecs armés. J'ai même niqué mon couple, y'a que le rap qui me fait fantasmer. Un jour une meuf m'a dit, Lim, c'est ton avenir est maudit. 6 mois plus tard sur scène, je raconte ma vie, le public m'applaudit. À 18 ans, j'entreprends de m'inventer un monde, le regard glacial. Dans mon cœur, le tonnerre gronde. 19 ans, mes potes d'enfance, c'est pas les mêmes qu'hier. Artiste à part entière, boosté par les prières de ma grand-mère. 20 ans, papa me dit, fais gaffe aux filles après tes émissions. Lundi, elle dit je t'aime, et mardi, elle braque tes éditions. La vie, c'est un cauchemar, alors je rêve 24 heures sur 24. L'état me met des claques quand je rappe que le bonheur s'écarte. L'amour, c'est traître, si tu savais ce que ça sécrète. 21 ans, j'appelle au secours, personne reçoit ma lettre. Fatigué de vivre, contaminé par le mal d'être. Fatigué de vivre, contaminé par le mal d'être. 22 ans, je tombe de haut et ma vie bascule. Ma seule fortune sera les morceaux que j'accumule. Les morceaux que j'accumule. Mon fabuleux destin, artiste à temps complet. Savourer le festin, les pages de ma vie en deux couplets. Mon quotidien, c'est des sons qui pètent et des rimes en 16. J'ai 17 ans quand je déclare ma flamme à la musique française. Mon fabuleux destin, artiste à temps complet. Savourer le festin, les pages de ma vie en deux couplets. Mon quotidien, c'est des sons qui pètent et des rimes en 16. J'ai 17 ans quand je déclare ma flamme à la musique française. Aujourd'hui le mot je t'aime il est rayé de mon vocabulaire. J'ai 23 ans, premier album, progression spectaculaire. J'ai cru à mon étoile, elle s'appelle ni David ni M6. Algérien et musulman donc tu serres les dents et tu persistes. J'ai tracé ma route dans le son, depuis petit j'ai ça dans le sang. Rappelle-toi d'évasion, aujourd'hui je ne partage plus ton rang. Peut-être t'auras reconnaissance que tu mérites. Maintenant je marche seul et puis j'encaisse ce que j'hérite. Et toi, toi, te souviens-tu de tes belles phrases? Toi, toi, hein, qu'a fait de ma vie vendredi 13? Le fable destin d'un têtu qui a pas cédé. Pour tous ceux qui m'ont aidé, ces deux couplets je viens dédier. Écoute pas les ondis parce que leur père veut que tu crèves. Acharne-toi, baisse pas les yeux et concrétise ton rêve. Moi j'ai connu l'échec, les gens te quittent et puis je m'éloignais. La sueur de mon front et le talent de mon poignet. J'écoutais cette petite voix et un putain de rappeur est né. Merci aux tout puissants et à ceux qui m'ont parrainé. C'est qu'un bout de mon histoire posté en mars 2005. Distribution de Kleenex pour linger les enceintes. Artiste triste, résolution sécher mes larmes. J'ai 23 ans, j'écris à l'encre de mes drames. J'ai reconstruit ma vie quand certains détruisent la leur. Mon fabuleux destin est celui d'un outsider. Mon fabuleux destin, artiste à temps complet. Savourer le festin, les pages de ma vie en deux couplets. Mon quotidien, c'est des sons qui pètent et des rimes en 16. J'ai 17 ans quand je déclare ma flamme à la musique française. Mon fabuleux destin, artiste à temps complet. Savourer le festin, les pages de ma vie en deux couplets. Mon quotidien, c'est des sons qui pètent et des rimes en 16. J'ai 17 ans quand je déclare ma flamme à la musique française. Mon fabuleux destin, artiste à temps complet. Savourer le festin, les pages de ma vie en deux couplets. Mon quotidien, c'est des sons qui pètent et des rimes en 16. J'ai 17 ans quand je déclare ma flamme à la musique française. Mon fabuleux destin, artiste à temps complet. Savourer le festin, les pages de ma vie en deux couplets. Mon quotidien, c'est des sons qui pètent et des rimes en 16. J'ai 17